phrase qui tue clairement impertinent. Je vais réclamer le silence, ça va de soi car habituellement mon esprit tendre aujourd'hui c'est Byzance. Capte la mélodie qui m'en sort, c'est le forcé de s'y attarder, acharné. J'ai porté l'œil mauvais sur des sommets que j'observe depuis longtemps sans bouger postérieur. Fausse erreur, autant faire des sauts périlleux sur la caisse claire de caractère belliqueuse. Venin visqueux, qui dit que j'en dis peu. Ce que je veux, je l'espère, j'ai l'air de rien si je veux feu. Je vis comme un vieux merde, je m'isole un peu, certes. Pas le mec joyeux qui vire au grincheux berk. Micro 1, 2, test, ceci malgré que mon stylo vient de se perdre en décimagrés. Je fais pas de cinéma, je fais des simagrés. Un mal qui s'échappe pourtant barricadé. Je fais pas de cinéma, je fais des simagrés. C'est quoi le message, on en décide après. Je fais pas de cinéma, je fais des simagrés. Un mal qui s'échappe pourtant barricadé. Je fais pas de cinéma, je fais des simagrés. Et c'est quoi le message, bah. Deuxième couplet, je laisse l'encre couler. Une page blanche souillée par mes pattes pour souffler. Comme toujours c'est flou, je reste obscur, voyant, dépendant de la médecine douce. Et j'ausculte ma chambre, y trouve du vide à foison. Des rimes à quoi bon s'il y a pas de fond à ce que l'histoire raconte. Mais j'écris par passion, des textes dans mon tiroir. Ça m'encèle tel le fric d'Arpagon. Mais pas question d'ascension, je le fais à l'instinct. Parlez donc, l'attention, j'en réclame un brin. Quoi que je dénonce, ma prance son pour du pas moins que rien. La défense, ça rend con que je marque un point. Ben tiens, je maintiens que je voulais bien faire. On pourrait trinquer pour chaque couplet sincère. En chien de thème, ça n'empêche que j'aiguise ma craie. Je suis le MC sacré, maître dans les simagrés. Je fais pas de cinéma, je fais des simagrés. Un mal qui s'échappe pourtant barricadé. Je fais pas de cinéma, je fais des simagrés. C'est quoi le message, on en décide après. Je fais pas de cinéma, je fais des simagrés. Un mal qui s'échappe pourtant barricadé. Je fais pas de cinéma, je fais des simagrés. Et c'est quoi le message. Quelle belle rime probante renforce le sens. Merde, j'écris autant qu'emporte le sang. Quelle belle rime probante renforce le sens. Merde, j'écris autant qu'emporte le sang. Quelle belle rime probante renforce le sens. Merde, j'écris autant qu'emporte le sang. Quelle belle rime probante renforce le sens. Merde, j'écris autant qu'emporte le sang.